Quatrièmement, politique et succès du Sénat romain. Mais, comme il ne suffit pas d'entendre la guerre, si on a un sage conseil pour l'entreprendre à propos et tenir les dedans de l'État dans un bon ordre, il faut encore vous faire observer la profonde politique du Sénat romain. À le prendre, dans les bons temps de la République, il n'y eut jamais d'assemblée où les affaires fussent traitées plus mûrement, ni avec plus de secret, ni avec une plus longue prévoyance, ni dans un plus grand concours et avec un plus grand zèle pour le bien public. Pour le secret, Tite Live nous en donne un exemple illustre. Pendant qu'on méditait la guerre contre Persée, Eumène, roi de Pergame, ennemi de ce prince, vint à Rome pour se liguer contre lui avec le Sénat. Il y fit ses propositions en pleine assemblée, et l'affaire fut résolue par les suffrages d'une compagnie composée de 300 hommes. Qui croirait que le secret eût été gardé et que n'ait jamais rien su de la délibération que 4 ans après, quand la guerre fut achevée? Au milieu de tant d'habiles négociateurs, le Sénat fut impénétrable. Pour faire garder le secret, on n'eut jamais besoin de supplice, ni de défendre le commerce avec les étrangers sous des peines rigoureuses. Le secret se recommandait comme tout seul et par sa propre importance. C'est une chose surprenante dans la conduite de Rome d'y voir le peuple regarder presque toujours le Sénat avec jalousie, et néanmoins lui déférer tout dans les grandes occasions et surtout dans les grands périls. Alors, on voyait tout le peuple tourner les yeux sur cette sage compagnie et attendre ses résolutions comme autant d'oracles. Une longue expérience avait appris aux Romains que de là étaient sortis tous les conseils qui avaient sauvé l'État. C'était dans le Sénat que se conservaient les anciennes maximes et l'esprit, pour ainsi parler, de la République. C'était là que se formaient les desseins qu'on voyait se soutenir par leur propre suite. Et ce qu'il y avait de plus grand dans le Sénat est qu'on n'y prenait jamais de résolution plus vigoureuse que dans les grandes extrémités.